Let's get it. Hey. Yes. Je connais le réseau, je connais le bec sur mes impuits, je peux pas béton. Ouais. Rien de personnel, baby, c'est que du bitch, je fais ma monnaie. Ouais. Moi je veux tout niquer, j'ai vu, j'ai tout pris dans la maison. Ouais. Je connais le réseau, je connais le bec sur mes impuits, je peux pas béton. Ouais. Tu sais même pas ce qu'on a fait. Viens là, je vais t'expliquer la vie. J'ai la bandeau, j'ai la clé. J'serai en partout, j'ai l'accès. Tout bloqué comme qu'on a fait. J'ai pas fini, je viens de commencer. Elle ne viendra commenter. Sa femme, je ferai chanter. Tu sais qu'on est toujours prêt. Trop de ice, le Joe est frais. Que des bastos, c'est les faits. Je baisse les yeux pour regarder la concu, j'ai dépensé. Avec moi, c'est le gros nez. Au devant, je suis seul. Je connais le réseau, je connais le bec sur mes appuis. J'peux pas béton, ouais. Rien de personnel, baby, c'est que du bitch. J'fais ma monnaie, ouais. Moi j'veux tout niquer, j'ai vu, j'ai tout pris dans la maison, ouais. J'connais le réseau, j'connais le bank sur mes appuis. J'peux pas béton, ouais. Yeah. Bad man have a responsibility to see that the children in the community goes out and come in safe. Real bad man. Hey, wake up, baby girl, for some mention. Know that ça marche, c'est la bonne relation. Baby, quand tu danses, tu m'impressionnes. Tu sais, baby, tu sais. Give it to me si tu me donnes. C'est moi ton âme, faut que tu me pardonnes. Nous deux, ça marche, la bonne relation. Tu sais, baby, tu sais. Sur moi, j'ai le bon move. Ma darling, two step quand tu bouges. Je veux que tu whine for me. D'un coup, j'oublie tout. C'est parti, j'mets la dent, j'm'impose. J'suis ton tsunami. C'est tes hanches qui me rendent faux. Agama, son yo. Baby, back it up. Nous deux, c'est trop beau. Si j'ai le droit, je touche à tout. Baby, back it up. De toutes les couleurs, je te ferai voir. Ton body me fait appel de femme, yeah. Ouais, t'es jolie, ouais, tu t'es ça. Bébé, je maîtrise, j'donne l'heure quand je veux. Wake up, baby girl, for some action. Nous deux, ça marche, c'est la bonne relation. Baby, quand tu danses, tu m'impressionnes. Tu sais, baby, tu sais. Give it to me si tu me donnes du. C'est moi ton homme, faut que tu me pardonnes. Nous deux, ça marche, la bonne relation. Tu sais, baby, tu sais. J'te donne rendez-vous dans la vie. Te préviens, c'est pas pour être ton ami. Les bons mots, y'a pas de vie. Tu me résistes, mais plus tard, j'sais que tu me diras oui. Pas de ça entre nous. Relation 50-50, ma relation. J'vais pas abîmer ton corazon. Les deux sont trop précieux, yeah. J'peux être ton mal dominant, quand j'prends les devants. Bébé, tu fais tout bon plein. J'peux être ton mal dominant, quand j'prends les devants. Bébé, tu fais tout bon plein, yes. Wake up, baby girl, for some action. Nous deux, ça marche, c'est la bonne relation. Baby, quand tu danses, tu m'impressionnes. Tu sais, baby, tu sais. Give it to me si tu me donnes. C'est moi ton âme, faut que tu me pardonnes. Nous deux, ça marche, la bonne relation. Tu sais, baby, tu sais.